En Corée, le théâtre d'art de la province et du Gangwon vient d'être réaménagé par les mesures bienfaitrices du Parti du Travail de Corée. Mis sur pied au bord de la mer magnifique, en harmonie avec le profil de la puissance socialiste hautement civilisée et la ville portuaire de Wonsan, le théâtre permettra de satisfaire davantage les besoins culturels croissants de la population. À la cérémonie d'inauguration tenue le 23 courant, on prépare les officiels intéressés et les cadres et les travailleurs de la ville de Wonsan. Ensuite, les participants ont assisté au spectacle de la troupe artistique de la province du Gangwon, ce thème « Chant des habitants bénis de la province du Gangwon ».